bisou. Sentis les voix sous ta main, doudoument oui. Et puis des bois qu'enveloppent moi, doudoument oui. L'oxygène qui m'a besoin pour respirer. Si pas bon moi à tout moment, manque de tomber. Ou pas besoin qui m'a mandé ou dodo ban moi. Pas attendre m'en supplier ou dodo ban moi. Pas ni rien dans l'univers, mais y'a qui ça. Qui si revient là sous la terre, plus douce qui ça. Marcel Thibault, il peut sauver l'humanité. Et de Thibault, ça peut durer l'éternité. C'est un remède qui peut gérer toute maladie. Ça qui panie, on peut aiguille pour toute la vie. Rêvez-vous chaud à sous ta main, doudou m'en vie. Et puis lève-vous à sous ton main, doudou m'en vie. Pour l'oxygène qui m'a besoin pour respirer. C'est vitamine ou cab en moins pour moi tiendre. C'est magie, c'est plaisir, poésie, c'est chaleur. C'est la lune qui éclaire moi. C'est vertige, c'est frisson, la passion, affection. C'est l'amour qui achaille moi. C'est soleil dans la vie moi. Pas jamais ni assez. Pas moi, tout bon moi. Pas moi.